bien pour moi. C'est que je l'ai voulu. Un coup de silex, problème résolu. J'ai laissé le quecra dans du papier alu. Je donne plus de nouvelles, on s'attrape ou pas. Pas la chance qui me sourit, pas la chance qui me sourit. J'suis juste déterminé, j'suis juste déterminé. C'est pas la chance qui me sourit, pas la chance qui me sourit. J'suis juste déterminé, j'suis juste déterminé. Posté au feu rouge, mais je suis pas là pour mendier. C'est pas pour l'hygiène, mais mes deux mains sont gantées. Allez, allez, allez, allez, allez, la monnaie. Ils font parler, ils sont cramés, pourtant personne les connaît. On ouvre un thé, mais dans deux jours faudra s'armer. Les mecs d'à côté ne font que passer dans l'allée. J'démarre la bécane, quadrille le périmètre. Mon gardien dans les cages, le but sera dur à mettre. Impossible de dormir sous mes deux oreilles. J'pense encore à la dinguerie que j'ai fait la veille. Mais j'me dis que le lendemain c'est rebelote. Les trois petits cochons m'ont pas encore mis les menottes. Va bien pour moi, c'est que j'l'ai voulu. Un coup de silex, problème résolu. J'ai laissé le quecra dans du papier alu. J'donne plus de nouvelles, on s'attrape ou pas. Pas la chance qui me sourit, pas la chance qui me sourit. J'suis juste déterminé, j'suis juste déterminé. C'est pas la chance qui me sourit, pas la chance qui me sourit. J'suis juste déterminé, j'suis juste déterminé. La chance me sourit pas, j'suis juste déterminé. J'pense qu'à faire du genre, j'sais même plus quelle heure il est. On porte pas au bigot, mon bicrave à la puce. Et si j'ai bien tourné, je te rajouterai un plus. École buissonnière, prison à 16 piges. Je veux mon vaisseau mère, mon jean à sortir. Mais je sais que rien n'est garanti. Tu veux te faire avancer, mais ton bise marche au ralenti. J'ai acheté des sacs pour m'acheter des habits. Maman pouvait pas tout me payer dans la vie. Non, sur le terrain je me fiais avec des joueurs et pas d'arbitre. Ouais, nouvelle livraison vient d'arriver dans la ville. Va bien pour moi, c'est que j'l'ai voulu. Un coup de silex, problème résolu. J'ai laissé le quecra dans du papier alu. J'donne plus de nouvelles, on s'attrape ou pas. Pas la chance qui me sourit, pas la chance qui me sourit. J'suis juste déterminé, j'suis juste déterminé. C'est pas la chance qui me sourit, pas la chance qui me sourit. J'suis juste déterminé, j'suis juste déterminé.